Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je planterai partout des lys, j'en ferai germer même sur les tisons enflammés. Histoire d'une petite âme qui a traversé une fournaise. Céline Martin, sœur Geneviève, à sa bien-aimée mère, Marie-Ange de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, 16 juin 1909. Markemdan, archive.org d'après, archive carmel-lisieux.fr, licence Creative Commons partage à l'identique, usage non commercial. Ma mère bien-aimée, vous allez sourire en lisant ce titre donné à mon manuscrit, et vous allez, avec raison, regretter de m'avoir demandé d'écrire mes mémoires. Comme la glaneuse qui vient et revient encore quand les moissons sont passées, vous croyez par un récit plein de souvenirs fraternels lier de nouveau une gerbe de beaux épis mûrs à la louange de Thérèse. Mais j'ai peu de choses à relater en dehors de ce qui est écrit dans l'histoire d'une âme, et dans ma préparation de déposition pour le procès. Vous croyez peut-être aussi, ma mère, retrouver en Céline, une autre petite fleur blanche, émule de la fleur printanière épanouie aujourd'hui dans les cieux. Et vous voilà en présence d'un pauvre tison qui doit, à la miséricorde de Dieu, de ne pas être calciné par les flammes, flammes de tout genre, car mon âme a été jalousement convoitée par l'enfer, aussi difficile à assouplir, qu'il lui a fallu de particulières humiliations pour devenir ce qu'elle désirait être. Comment oserais-je m'attribuer un autre emblème quand sans cesse j'entends à mon oreille cette interpellation du prophète ? Celle-ci n'est-elle pas un tison arraché du feu ? Zacharie 3, 2. Oui, ma mère, j'en suis un. Vous en jugerez non pas au début, mais par la suite de cette histoire où vous lirez mes pensées à côté des faits de ma vie, où vous trouverez en parallèle les vertus de Thérèse et les défauts de Céline, où vous toucherez du doigt la tendre sollicitude de Jésus, qui ne se lasse pas d'arracher du feu le misérable tison objet de son amour. Je ne vous dirai rien, ma mère bien-aimée, de la famille exceptionnelle où le bon Dieu plaça mon berceau, mais je regarde comme la plus grande grâce de ma vie, celle d'avoir eu des parents chrétiens, et d'avoir reçu d'eux une éducation virile qui ne laissait point de place aux petitesses de la vanité. Chez nous je n'ai jamais vu sacrifier au respect humain, il n'y avait d'autel de dresser qu'à Dieu seul, et si quelquefois les sacrifices ont pu me paraître austères, leur sonna toujours aux gens goûter l'agréable odeur. Mais avant de vous faire part de ces expériences, il me faut, ma mère, vous faire remarquer combien grande fut pour moi cette grâce d'une éducation forte et pieuse. Sans elle sûrement, je me serais perdu aussi plus tard. Dans mon amour de la vérité, je l'avais cherché et trouvé, ce n'aurait été qu'après avoir souillé mes premiers pas. Le premier bienfait de Jésus à mon égard fut donc d'avoir éloigné de moi les flammes dangereuses du mauvais exemple, avant même que j'aie pu le fuir par un acte libre. Que de jeunes plantes arriveraient à maturité si, comme moi, elles étaient préservées de la contagion des vices, si la sève qui circule dans leurs tiges délicates était pure comme le fut celle qui me fit naître et grandir. Ah, je comprends que le démon voulant perdre les âmes s'en prenne à la famille. Comme ces vins rongeurs qui s'attaquent aux racines, ils sapent par la base, et en corrompant le foyer domestique, gâtent dans leur source toutes les plus belles espérances. Lorsque me promenant au jardin je vois de tendres boutons qui ne peuvent s'entr'ouvrir, gênés qu'ils sont par une quantité considérable d'autres parasites, je ne puis m'empêcher de penser aux petits enfants qui poussent dans la vie sans qu'une main paternelle ou maternelle écarte leur âme. Les défauts, les préjugés, les illusions destinées pourtant à étioler la fleur à tout jamais. Je ne saurais dire combien grande est ma reconnaissance pour le bon Dieu d'avoir placé à mes côtés des anges, qui, comprenant leur mission, ont entouré mon enfance de ces soins délicats desquels dépend toute la vie. Et cette reconnaissance n'a pas été stérile en moi, ô ma mère. Comment vous dirai-je le désir que j'ai eu de voir d'autres enfants jouir du même privilège ? Vous le savez, Après mon intention première qui est de prier pour les prêtres, je n'ai embrassé la vie du Carmel que pour atteindre ce but. Je voulais sauver des âmes à tout prix et il ne m'a point semblé les acheter trop cher en leur consacrant toute mon existence. Mais je reviens à mes premiers souvenirs. Je remarque dans les aptitudes naissantes de la petite Céline deux tendances. L'une est un besoin insatiable de vie et de bonheur, plus que sa nature ne peut en contenir, l'autre une très grande tendresse de cœur. Il est aisé de prévoir si avec de semblables dispositions, l'équilibre sera facile à conserver. Hélas, heureusement que le bon Dieu mit son cœur sous mes balances, sans ce rempart divin où serais-je tombé. Toute petite, les germes que je viens d'indiquer commencèrent donc à croître. Je marchais à peine seul qu'on essayait à mes forces sur le haut du bureau de ma mère, ainsi perché sur la margelle étroite, on aurait pu croire que j'allais avoir peur, il n'en fut rien, et lorsque des bras charitables s'avancèrent pour me descendre à terre, je les repoussai disant d'une voix sans haleine, tant la joie était vive, « Anco, Anco, c'est la première parole que Marie, ma sœur aînée, m'entendit prononcer. Comme on le voit, je n'avais pas peur de la vie et de ses aventures, j'ignorais alors ces terribles perplexités et ces sanglantes épreuves qui, plus tard, devaient me faire dire « assez, assez ». Cependant même dès cet âge, Jésus avait mis dans mon cœur quelque chose de plus fort encore que la soif du plaisir, c'était une tendre affection pour mes parents chéris. J'aimais mieux me priver des joies les plus vives que de leur occasionner l'ombre d'une peine. En voici un exemple puisé dans les lettres de ma mère. Lorsque j'étais installée sur le bras de la bonne, toute pimpante et prête à sortir, on se faisait un jeu de me tenter ainsi, « Tu vas te monétiser, maman » d'un air triste. Alors, comprenant que je la laissais toute seule, je préférais sacrifier ma promenade étendant mes petits bras vers elle, je ne voulais plus la quitter. Mais elle insistait en souriant pour que je sorte et moi je reprenais ma gaieté. Hélas, nous n'étions pas plus tôt rendus au seuil de la maison qu'elle disait de nouveau « Tu vas me quitter ». Cette fois je répondais par des larmes « Je ne serais jamais sortie si le sourire de ma mère chérie ne m'eût accompagnée jusqu'au dernier moment ». J'avais 1 an et demi lorsque les Prussiens entrèrent à Alençon. C'était sûrement moi qui étais le moins effrayé et je fus très content d'en voir plusieurs à la maison. J'étais juste haute comme leurs bottes et je courais aussi facilement entre leurs jambes que sous les tables. Ils me prirent en affection, c'était à qui m'aurait sur ses genoux pendant les repas, et moi je barbotais dans leurs assiettes. Ils me semblent me voir encore faire jeter leur ragoût entre mes petites mains. Sans doute on me dira que ce détail m'ayant été raconté, je crois à m'en souvenir et pourtant, il me semble me rappeler encore la frayeur que m'inspira l'un de lorsque, sur le point de s'en aller, il brandit son grand sabre en menaçant de m'emporter. Vous vous demandez sans doute, ma mère, mais quand est-ce donc va-t-elle me parler du bon Dieu? C'est qu'à cet âge je n'avais pas plus de piété que d'amour de la patrie, lequel était si peu développé en moi, que je considérais les Prussiens comme mes plus sincères amis. Il n'en était pas de même de mes sœurs. Léonie avait établi son quartier général dans la cave, où elle passait ses journées assise, sur un petit tabouret, tandis que Marie et Pauline pleuraient, en voyant la belle rebrousse de leur poupée servir à récurer les armes. Sans l'armistice, mon père serait parti combattre, et ma mère, en vraie patriote, le donnait de bon cœur à la France, flétrissant hautement certaines personnes, qui cachaient leur mari pour le soustraire au danger. Elle disait même ne plus vouloir les saluer, tant l'idée du devoir primait, chez elle, les sentiments de la nature. Pour moi, si j'étais étrangère à la peur, je l'étais encore aux belles manifestations, et les impressions généreuses ne devaient naître en moi que bien plus tard. Cependant, avec l'amour de la famille, je puis malgré ce que je viens de dire, affirmer que ce fut l'amour de Dieu qui germa le premier dans mon cœur, et qui servit de base à tous les autres amours. L'exemple que je vais en donner remonte à l'âge de 3 ans environ. J'étais sortie avec la bonne qui me tenait par la main, elle me parlait de vocation sans doute, car elle me dit, « Et vous, ma petite Céline, qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grande ?» Nous passions à ce moment devant un poste de soldats, plusieurs montaient la garde, d'autres étaient réunis dans une grande cour. Alors je me tournai vers eux et je criai de toutes mes forces, « Je serai religieuse !» Il me semblait protester par là devant tout l'univers, mais la pauvre Louise n'était pas si fière que moi et, rouge jusqu'à la racine des cheveux, elle s'enfuit en me maudissant. Quant à moi, j'étais très contente et ne pus jamais regretter d'avoir si hardiment confessé mes opinions. Je me souviens aussi qu'à cet âge j'étais très sage à l'église, beaucoup moins cependant par piété que par docilité naturelle, ou faiblesse de constitution. La malice ne devait pousser qu'avec les forces et les années. Je donnais toutefois mon cœur au bon Dieu matin et soir avec une grande fidélité et je n'avais point besoin pour cela de temple ni d'autel. Je plaçais ma petite chaise devant une fenêtre qui donnait sur le jardin, et ainsi installé je faisais ma prière. Elle n'était pas longue, mais elle fut exaucée. Je disais, « Mon bon Dieu, faites qu'il tombe de la neige et que j'aie une petite sœur. » De la neige il en tomba pendant cet hiver de 1873, lequel me donna aussi une petite sœur. Et vous savez, ma mère, quelle fut cette petite sœur. Vraiment, vous pouvez avoir confiance en mes prières en voyant comme elles sont bien servies. Ici commence pour ainsi dire ma vie spirituelle, laquelle peut s'inscrire entre deux amours, ma Thérèse et la Sainte Face. Ma mère chérie, vous avez vous-même résumé ces deux amours dans les belles poésies que vous m'avez dédiées, l'une immortalisant l'union de Thérèse et de Céline, l'autre chantant ma découverte du visage adoré de mon Jésus. Ô ma mère, il me semble que je n'aurais ici qu'à transcrire ces deux beaux poèmes et j'aurais tout dit. Mais, comme je l'ai déjà remarqué en me demandant d'écrire ces souvenirs, vous espérez recueillir encore quelques détails oubliés sur la vie de Thérèse. Et vous avez raison d'employer tous les moyens afin de ne rien perdre de cette sublime existence qui, dans son cours rapide et doux, ne roula que des paillettes d'or. Cependant, ma mère, je dois vous redire que je crois avoir déjà tout relaté tant dans mes notes intimes que dans ma préparation de déposition en vue du procès. Et si vous ne voulez pas avoir une déception, ne vous attendez pas à quelque chose de bien en ce nouveau travail, car je me connais et suis certaine qu'avec mon caractère scrutateur et fougueux, je vais m'engager dans des observations qui ne vont plus en finir sur toutes sortes de sujets imprévus, laissant courir ma plume au risque de bien vous fatiguer, pauvre mère, et toutes les répétitions d'idées que je prévois comme conséquence. Enfin, pardon dès maintenant. Je reprends mon récit où je l'avais laissé quand, doté d'une petite sœur, ma vie entra dans une nouvelle phase. Je ne me souviens pas de la joie que j'éprouvais le jour de sa naissance, mais je me rappelle les visites que nous lui faisions à la campagne et celles qu'elle nous rendait lorsque sa nourrice l'amenait à la maison. Déjà commençait entre nous cette intimité qui, alors à son matin, ne devait jamais connaître de soir. Car en l'une de ces circonstances, maman écrivait, le bébé n'a fait que de rire. C'était surtout la petite Céline qui lui plaisait, elle riait aux éclats avec elle. Cette lettre est du 10 juillet 1873, Thérèse n'avait que 6 mois. Vous voyez, ma mère, que cela promettait pour l'avenir. Oui, ces témoignages étaient le prélude de la tendre affection qu'elle devait porter à sa pauvre petite Céline, bien qu'elle méritât si peu. Pour vous prouver, ma mère, combien j'étais pétulante, je vais vous en citer un fait raconté par maman. Il est de cette même époque, juillet 1873. L'incident en lui-même n'est rien sans doute, mais vous y reconnaîtrez mon caractère d'à présent qui se dessine alors avec une netteté surprenante, je veux dire cette grande faiblesse d'un premier mouvement toujours répréhensible, et toujours hélas exprimé au dehors. Hier soir, écrit ma mère, Céline me disait, « Moi je n'aime pas les pauvres. » Je lui ai dit que le bon Dieu n'était pas content et qu'il ne l'aimerait point non plus. Elle m'a repris, « J'aime bien le bon Jésus, mais je n'aimerai pas les pauvres, jamais de ma vie. Puis, je ne veux pas les aimer moi. Je suis bien la maîtresse sans doute. Qu'est-ce que ça lui fait ça au bon Jésus? Il est bien le maître, mais moi aussi je suis la maîtresse. Tu ne peux te figurer, continue maman, elle écrivait à Pauline alors à la visitation du Mans, tu ne peux te figurer comme elle était animée, personne n'a pu lui faire entendre raison. Note en marge, au crayon, pour ce trait se référer au texte imprimé, sœur G. Il faut que je te dise, le sujet de sa haine pour les pauvres. Il y a quelques jours elle était à la porte avec une de ses petites amies, une petite pauvre s'arrête à le regarder. Cela n'a pas plu à Céline, elle a dit à la petite fille, « Va-t'en toi ». La petite pauvre avant de s'en aller lui a lancé un soufflet bien appliqué, elle avait la figure rouge une heure après. Je lui ai dit que la petite avait bien fait, que c'était tant mieux, mais elle n'a pas oublié cela et elle me disait hier, « Tu veux que j'aime les pauvres qui viennent me donner des claques, que j'en ai la joue toute enflammée ?» Non, non, je ne les aimerai pas. Mais la nuit porte conseil, la première parole qu'elle m'a dite ce matin m'a été qu'elle avait un beau bouquet, que c'était pour la Sainte Vierge et pour le bon Jésus, puis elle a ajouté tout de suite, « J'aime bien les pauvres à présent. » Oh ma mère, que cette peinture est saisissante, ce que j'étais à 4 ans je le suis encore aujourd'hui, que j'en ai bientôt 40. Toujours la même impétuosité qui menace de me conduire aux derniers excès. Oh si Jésus ne me prenait pas en pitié à chaque instant, où en serais-je? Mais comme je l'ai dit, son cœur divin me sert de rempart. Aussi, quand perdant l'équilibre je viens à tomber, je ne me blesse jamais. Oui, le démon a eu beau me dresser des embûches et il n'a pu m'attraper, si le trait que je viens de rapporter est l'image de ma pauvre vie. Celui que je vais écrire est aussi la figure des combats et des tentations que l'esprit du mal devait me livrer dans la suite. Car il a obtenu pour ainsi dire de Dieu la permission de se trouver sur chacun de mes pas sans toutefois avoir en fin de compte, celle de me nuire. Je pouvais avoir 3 ou 4 ans lorsque me promenant à la campagne, dans un lieu délicieux émaillé de fleurs printanières, je m'arrête devant l'une des plus belles que toutes les autres. Seulement à sa tige élégante était enroulé un serpent qui dressait vers moi sa tête venimeuse. Renoncer à la fleur pour si peu ce n'était point dans mon caractère qui jamais ne s'est calculé avec les obstacles, et déjà je m'apprêtais à l'accueillir lorsqu'un grand cri me fit reculer. Quelqu'un m'avait aperçu et me prenant dans ses bras m'éloignait ainsi du danger. Quand les promeneurs eurent entendu crier, à la vipère la place fut vite évacuée. Pour nous. Nous ne retournâmes jamais en cet endroit, cette propriété s'appelait la Lorgaine, il y avait là beaucoup de narcisses, à trompette, appelées vulgairement porgeons. Ma mère, n'était-ce pas mon ange gardien qui m'avait préservé et ce qui m'arriva en ce jour n'est-il pas la fidèle image des pièges que devait plus tard me tendre le démon, comme aussi de l'intervention divine qui devait m'y protéger? Je lis avec plaisir dans les lettres de maman qu'elle me trouvait très pieuse, il était nécessaire que le bon Dieu déposât ce germe dans mon âme afin de contrebalancer les influences des défauts qui commençaient à se révéler. « Je suis bien contente de Céline », écrivait-elle en 1875, « c'est une bonne enfant qui prie le bon Dieu comme un ange, qui est très docile, on en fera certainement quelque chose avec la grâce de Dieu ». Et plus tard, en 1876, elle dit encore, « Ma petite Céline est tout à fait portée à la vertu, c'est le sentiment intime de son être, elle a une âme candide et horreur du mal ». En d'autres circonstances elle remarque de nouveau que sa petite Céline est d'une docilité sans pareille et qu'elle lui donne de grandes espérances, si toutefois le bon Dieu la laisse vivre. Enfin, après avoir loué et bien des fois sa nature angélique et les consolations qu'elle en espère dans l'avenir, elle termine en disant que « jamais elle ne fait la plus petite faute volontaire ». Cette dernière citation est de 1877, l'année même de la mort de ma mère chérie, j'avais alors 8 ans. Je vous avoue, ma mère, que j'ai besoin parfois de relire ces témoignages appuyés d'ailleurs sur des faits dont les lettres font mention pour me convaincre. ou plutôt pour oser espérer que j'ai conservé mon innocence baptismale. Ces détails se rapportent bien, il est vrai, à mes souvenirs. Je me rappelle que je priais sans cesse le bon Dieu et je lui demandais de devenir une sainte, le désir en était parfois si vif qu'il me transportait, et pourtant à côté de cela, je constate des fautes que j'ai beaucoup pleuré, que longtemps j'ai cru graves, et si elles ne l'ont pas été, je le dois uniquement à cette candeur naturelle qui m'empêchait de croire au mal bien qu'on me l'eût signalé. Par cette grâce de préservation toute gratuite, Jésus ne retirait-il pas déjà son tison du feu? Je ne me souviens pas avoir jamais rien caché à confesse, car j'étais très franche et je n'ai menti qu'une seule fois à ma mère. Cependant ma franchise n'allait pas jusqu'à m'exposer aux reproches comme Thérèse, elle se tenait là debout comme une criminelle qui attend sa condamnation, ayant dans sa petite idée qu'on lui pardonnera plus facilement si elle s'accuse. Et moi, un jour que je venais de faire une maladresse, craignant de justes reproches que j'avais mérités, je m'enfuis comme Adam après son péché et me cachai au milieu d'un tas de fagots qui étaient déposés dans le hangar. Après d'anxieuses recherches, on m'y trouva enfin, et paraît-il, je ne fis point de bruit de la soirée. Je conviens maintenant que la conduite de Thérèse était beaucoup plus grande et plus noble que la mienne. Dans la mienne c'était la voix de la nature qui se faisait entendre et dans celle de Thérèse la voix de la grâce qui se révélait. Nul doute que l'une soit beaucoup plus parfaite que l'autre puisque Bossuet va jusqu'à dire « Si Adam et Ève avaient pu avouer humblement leur faute, qui sait jusqu'où se serait portée la miséricorde de Dieu ?» Semblant par là se demander si Dieu n'eût point pardonné sans exiger le tribut de pénitence imposé à la race humaine. Oh oui, qu'elle était belle en toutes ses démarches, ma petite sœur chérie. Aussi je l'aimais au-delà de tout ce que je puis dire. Je l'avais surnommée ange incarné et ne pouvais souffrir être séparée de mon ange une seule minute. De son côté c'était le même attachement pour moi et maman disait de nous. Ces deux petites sont inséparables, on n'a jamais vu des enfants tant s'aimer. Nous ne pouvions, en effet, vivre l'une sans l'autre. Toute la journée nous jouions ensemble dans le jardin, nous amusant surtout à ramasser les petites paillettes brillantes qui se trouvent dans le sable de granit. Et pendant ce temps nous parlions du bon Dieu et de nos pratiques de vertu. Cette conversation continuait même ailleurs que dans la solitude, car maman écrivait, l'autre jour les petites étaient chez l'épicier, Thérèse parlait de ses pratiques avec sa sœur et discutait fort avec elle. La dame a dit à Louise, qu'est-ce qu'elle veut donc dire? Quand elle joue dans le jardin on n'entend parler que de pratiques, il y a une voisine qui avance la tête par sa fenêtre, pour essayer de comprendre ce que veut dire ce débat de pratiques. Comme vous le voyez, ma mère, déjà nous ne nous occupions que de choses sérieuses. Thérèse, quoique plus jeune que moi, commençait sa mission auprès de moi qui commençait en même temps la série de Pourquoi qui n'est pas encore complètement épuisée, laquelle me valut la réputation de naïf que je mérite encore. J'avais beaucoup de peine à apprendre le mot à mot, il fallait que j'approfondisse le sujet pour retenir quelque chose, ce qui rendait mes lectures individuelles assez lentes. Je ne dévorais pas les livres comme tant d'autres. De même, au cours des conversations sérieuses, je me trouvais en retard sur ce qui s'y traitait. C'est ainsi que, chez mon oncle, on me reprochait d'être dans les nuages, parce que tout à coup, je faisais une question sur ce qui s'était dit, il y avait quelques minutes. Non, je n'étais pas dans les nuages. Mais je scrutais tel sujet qu'on venait d'exposer et pendant ce temps-là les autres avaient fait du chemin. Puis, je n'avais point de fausse honte et pour avoir à comprendre je ne craignais pas de faire des questions naïves sur une chose même que je saisissais, dans le seul but d'en avoir la définition technique. Comme je l'ai dit, j'employais ce moyen de très bonne heure et Thérèse qui m'instruisait, était devenue pour moi une sage maîtresse. Cependant elle ne dédaignait pas de venir assister aux leçons que me donnait Marie ma sœur aînée. Trop petite encore pour étudier, Marie faisait quelques difficultés pour l'admettre à son cours, mais elle implorait avec tant d'insistance et promettait d'être si sage que Marie accordait enfin cette faveur. Elle lui donnait une étoffe à coudre ou des perles à enfiler et je vois encore ce cher petit ange assis tranquillement dans un coin de la pièce sans bouger. Parfois son aiguille se désenfilait, alors de grosses larmes perlaient sur ses joues, elle n'osait pas demander qu'on vienne à son secours. Enfin Marie la prenait en pitié et séchait ses pleurs en enfilant l'aiguille. Et quand je pense que c'était par affection pour moi, pour ne pas quitter sa Céline qu'elle s'enfermait ainsi des journées entières, mon cœur se fond de reconnaissance. Ô ma petite Thérèse, rappelle-toi ces jours de notre enfance, et comme autrefois ne souffre plus d'être séparée de moi, prends-moi avec toi. Ce qui avait lieu à propos des leçons se renouvelait lorsque j'allais jouer avec la petite Jenny, fille du préfet. Elle était de mon âge et nous nous entendions bien ensemble. Comme la préfecture était en face de notre maison, il lui était facile de m'appeler par des signes ou de m'envoyer chercher par sa gouvernante. Thérèse alors m'accompagnait toujours bien qu'elle ne trouva qu'un seul agrément à ses visites, le parc. Pour moi, séduit déjà par la vanité, j'étais fière d'avoir une petite amie aussi distinguée. Je regardais avec admiration les splendides salons et mes séjours dans ce palais m'étaient remplis de charme. Lorsqu'il faisait mauvais temps, nous prenions nos ébats sur une sorte de grand balcon, couvert, qui était à l'arrière du bâtiment et desservait toutes les chambres. Ce couloir, comme je l'appelais, séduisait tout particulièrement ma jeune imagination et, lorsque nous vînmes habiter Lisieux, je demandai à papa de me décrire notre nouvelle demeure disant, « Ô papa, est-ce qu'il y a un couloir ?» Ce bon père réfléchit un instant et répondit, « Oui, il y en a un. » Mon premier soin en arrivant au Buissonnet fut de chercher le couloir. Hélas, c'était une petite garde-robe étroite qui longeait l'alcôve de notre chambre. Oh, comme on se laisse prendre facilement aux vanités du monde, comme l'appât est séduisant pour le pauvre cœur humain. Je me surpris à désirer être châtelaine moi aussi, avoir une belle maison avec des perrons et des vérandas, un parc avec des avenues. Cependant, il me faut avouer que ce désir ne fit qu'effleurer mon esprit comme une impression qui passe sans laisser de traces, et pourtant Jésus devait un jour réaliser ce souhait, afin sans doute de m'en montrer toute la vanité. Mais je reviens à la vie de famille, la seule aimable, la seule capable de présenter au cœur altéré d'affection les coupes enivrant des vraies joies. Je ne vais pas, ma mère, essayer de vous dépeindre les sentiments de mon cœur quand le dimanche soir toute la famille partait à la campagne. Thérèse l'a fait et ce qu'elle dit est l'écho fidèle de mes propres impressions. Ces impressions profondes devaient plus tard nous inspirer le beau cantique, ce que j'aimais, à l'une pour en concevoir les pensées, à l'autre pour les mettre en poème. Je me souviens parfaitement de la maladie de ma mère, des derniers entretiens qu'elle eut avec moi. Je crois assister encore à la triste cérémonie de l'extrême onction. Nous étions toutes là réunies, il y avait alors de tels sentiments dans mon cœur que les moindres détails, les places qu'occupaient les objets même se gravèrent dans ma mémoire pour ne jamais s'en effacer. Pendant tout le cours de cette maladie, nous ne pouvions plus nous distraire, ma petite sœur et moi, nous ne voulions plus jouer. Aussi ce nous fut bien cruel d'être obligés d'aller chez des étrangers et d'avoir de la compagnie alors que nous aurions voulu être seuls. Le dernier baiser que je donnai à ma mère et l'attente pénible à la maison pendant la cérémonie des funérailles se gravèrent aussi pour toujours dans mon esprit, ainsi que la scène rapportée par Thérèse où nous nous choisîmes chacune une nouvelle mère, car dans cette détresse le bon Dieu ne nous abandonne pas. Ô ma mère, je ne vous ai pas encore parlé de mes sœurs aînées, et cependant elles ont tenu une bien grande place dans ma vie d'enfant, je les aimais au-delà de ce que je puis dire, elles étaient à moi aussi mon idéal. J'avais 4 ans et maman écrivait, on fait faire tout ce que l'on veut à la petite Céline quand on lui dit, si tu fais cela, Pauline reviendra du Mans. Et s'adressant à Pauline, maman dit encore, Céline se fait une grande fête de te voir, jamais je n'ai vu une petite fille aussi heureuse qu'elle, quand on lui parle de toi. Je me souviens, en effet, du bonheur que j'éprouvais lorsqu'elle venait en vacances comme aussi de mon chagrin profond lorsqu'elle repartait pour la visitation. Le sifflet du chemin de fer vibrait dans mon cœur d'une façon si triste que jamais cette impression ne s'effaça, puisqu'encore aujourd'hui je ne puis l'entendre sans un tressaillement douloureux. Qu'elles sont vives les impressions reçues dès l'enfance puisqu'elles ont un retentissement si lointain qu'on pourrait les croire immortelles, ainsi Jésus s'en servit pour exiler nos âmes de la terre, et jeter en elles la semence d'un profond dégoût pour tout ce qui passe. Avec des sœurs telles que le bon Dieu me les avait données, je ne pus expérimenter d'abord ce qu'est pour un enfant la perte de sa mère. Maintenant qu'il m'est permis, en jetant un regard sur le passé, d'apprécier à leur juste valeur les bienfaits dont la divine providence daigne nous entourer, je regarde comme un véritable prodige que des sœurs aînées fussent douées de tant de qualités maternelles à l'égard de leurs plus jeunes sœurs. C'était un dévouement de tous les instants, une abnégation sans pareille. Je compare leur cœur à celui d'une mère et à celui d'un père. Si elles eussent rêvé un avenir terrestre, il n'en aurait point été ainsi, car le cœur dont le bon Dieu est l'unique partage peut seul fournir à l'égard des autres cette somme immense de sacrifices. À qui dira jamais à quel degré nos sœurs bien-aimées se sont acquis notre amour filial et à quel degré il leur fut payé. C'est Jésus seul, lui seul qui a sondé les mystères de cette vie de famille inoubliable, c'est lui qui pourrait dire toute la reconnaissance de mon pauvre cœur pour ses sœurs chéries, et il le fera, ou il paiera lui, même cette dette du cœur au jour bienheureux de la réunion éternelle. Oh, alors elles verront que leurs sacrifices n'ont point été stériles, mères d'innombrables âmes par leur incomparable fille, leur Thérèse chérie, elles n'auront pas non plus, je l'espère, de la bonté miséricordieuse de mon Jésus, à se repentir des tendres soins qu'elles m'ont prodigués avec tant de désintéressement et tant d'amour. Après la mort de ma mère et notre arrivée à Lisieux, mon caractère comme celui de Thérèse changea complètement. La remarque elle en fait elle-même est exacte, moi si douce je devins un lutin plein de malice tandis que sa noble ardeur, à elle, fut voilé un instant sous les dehors d'une timidité et sensibilité excessive, sans que pour cela le fond fût changé, car elle fut constamment l'image de la force morale et moi de la plus grande faiblesse. Je vous ferai part, ma mère, à mesure que l'occasion s'en présentera, de mes réflexions à ce sujet, et vous verrez qu'elles sont fondées. Mais avant de relater les détails de ma nouvelle existence, je puis déjà vous faire remarquer la vérité que je viens d'avancer. Ma petite sœur, par exemple, ne s'excusait jamais, elle parlait peu, très peu, si on disait quelque chose en sa présence qu'elle désapprouvait, elle se taisait et n'entamait jamais aucune contestation. Il lui suffisait de recommander intérieurement la chose à notre Seigneur et de le prendre à témoin de l'injustice commise. Je ne l'ai jamais vue se défendre, même quand elle était le plus dans son droit. Elle ne cherchait ni à plaire, ni à être aimée, ni à être approuvée. Cependant, comme sa nature vive et ardente n'avait pas changé et que par ailleurs, elle ne pouvait si jeune être arrivée à la pacification complète de son ferme caractère, ses souffrances intérieures se traduisaient par une action bien inoffensive. Des larmes versées dans le secret. Quant à moi, c'était tout le contraire, et si étant petite je me laissais souvent vaincre sans riposter, cette tendance à la douceur s'évanouit complètement pour faire place à une ardeur toute guerrière, à une pétulance, j'allais dire, hors concours. Ne craignant la bataille en aucune façon, je m'engageais volontiers dans des discussions que je ne lâchais pas, même lorsqu'elles devenaient orageuses. Au contraire, plus la lutte était difficile et le succès hasardé, plus j'y mettais de vigueur. Je ne crois pas que je m'excusais lorsque j'avais tort, car j'ai toujours eu un extrême respect pour la vérité, mais comme il est rare d'avoir tort tout à fait et que, même lorsqu'on a tort, il y a toujours de circonstances atténuantes et il s'ensuivait que je m'excusais toujours étant sans cesse porté à soutenir mes droits ou ceux des personnes que je protégeais, car dans ma faiblesse, j'avais cela de bon de me jeter dans la mêlée aussi bien pour les autres que pour moi. Il m'aurait été impossible de ne pas répondre à une invective, et j'avais des ripostes très piquantes qui clouaient là l'adversaire. Mais pourquoi dire j'avais, pourquoi mettre ces défauts au passé quand cette conduite fâcheuse est toujours hélas un présent pour moi? Je dis donc que je ne savais pas, quand toutefois c'était la justice, laisser tomber à terre une provocation, aussitôt le gant jeté et j'entrai en lice. Ô ma mère, comme c'était le plus souvent pour soutenir la bonne cause et la vérité, le monde entendant cela disait peut-être que ces manifestations étaient l'indice d'un noble et généreux caractère. Mais moi j'ose soutenir qu'elles sont l'indice d'une grande faiblesse morale. La preuve c'est que j'agissais ainsi par un mouvement naturel, sans effort, et qu'il m'aurait fallu une contrainte inouïe pour me taire. Or, s'il y avait matière à combat en me taisant, la victoire n'était donc accordée qu'au silence et j'étais faible et vaincu lorsque je me répandais au dehors. En présence de cette soi-disant vaillance qui n'est que désordre à mes yeux, il me semble entendre ce reproche du prophète, « Ou que ton cœur est faible d'avoir fait toutes ces choses. » Ézéchiel 21, 30. Oui, que mon pauvre cœur était faible et qu'il l'est encore, puisque ce caractère d'enfant dont je viens de tracer la peinture est encore le mien aujourd'hui. Voyant si clairement la vérité en cela, vous ne vous étonnerez pas, ma mère, de m'entendre louer la conduite de ma petite Thérèse en disant qu'elle fut constamment pour moi l'idéal de la vraie vertu. Chez elle, je remarquais toujours l'obéissance, la mortification, l'abnégation poussée jusqu'à l'héroïsme, non dans ces actions d'éclat qui ne coûtent qu'un moment d'élan, mais dans ces mille détails obscurs, ignorés, de la vie quotidienne où le renoncement devient un perpétuel martyr, d'autant plus douloureux qu'il est plus intime. In, vie de Sainte Thérèse. Oui, il m'est doux d'établir aujourd'hui le parallèle entre Thérèse et Céline, puisse les foncées de ce tableau qui m'appartiennent faire ressortir et mettre en relief la radieuse lumière qui est le partage de ma Thérèse chérie. Mais il me reste encore un éloge à faire de cette vertu cachée, la seule vraiment belle, et enviable, la seule vraiment forte. Vous trouverez peut-être, ma mère, que j'exagère, il n'en est rien cependant, et ce que je vais dire n'est que la simple expression de ma pensée. Vous savez que mon amour du beau, de la sublime, et vraie beauté, me rend très difficile, et rien, ce semble, ne devrait pouvoir se comparer à mes yeux, à l'ineffable perfection de la Vierge Marie. Eh bien, lorsque je veux me représenter enfant et jeune fille, cette Vierge prudente, je pense à Thérèse et je dis, la Sainte Vierge devait agir comme cela. Oui, ma mère, si je n'ai point vu le modèle, j'aime à me persuader que j'ai vu la copie, et la copie, au lieu de déprécier l'original, me l'a fait aimer, et comprendre.